L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La détermination de la composition chimique d'une galaxie massive dans l'univers jeune révèle l'existence d'une période de formation stellaire extrêmement courte et intense. Cette observation apporte bien plus de questions que de réponses sur le processus de la formation des galaxies. Les étoiles de deuxième génération sont celles qui se sont formées à partir du gaz comportant les résidus des étoiles de première génération, ayant explosé en supernova et qui ont expulsé les éléments lourds forgés en leur sein. En analysant la composition chimique de ces étoiles de deuxième génération, les astrophysiciens peuvent donc déterminer combien de supernovas ont explosé avant cette époque et quelle était leur nature. L'équipe menée par Mariska Creek de l'Université de Californie à Berkeley a observé la galaxie massive Cosmos 114-94, située à presque 11 milliards d'années-lumière, et montre qu'elle s'est formée par une intense bouffée de production d'étoiles qui s'est ensuite brutalement arrêtée. Pour arriver à cette conclusion, les auteurs ont étudié l'abondance du fer et des éléments qu'on appelle les éléments alpha, oxygène, magnésium, silicium, soufre et calcium. Ceux-là même qui sont produits par la fusion nucléaire au cœur des étoiles massives, d'environ 10 masses solaires, et éjectés lors des épisodes de supernova par effondrement de cœur, les supernovas de type 2, après une courte vie. A l'opposé, le fer, lui, est produit surtout par des étoiles moins massives qui terminent leur vie en naine blanche et qui peuvent finir en supernova de type 1A, l'explosion de la naine blanche par dépassement de la masse limite de stabilité, et après une durée de vie sensiblement plus longue. Crick et ses collègues mesurent le rapport d'abondance alpha sur fer, notamment le rapport magnésium sur fer, par des mesures spectroscopiques à l'aide du télescope Keck 1 dans le proche infrarouge, et trouvent une valeur étonnamment élevée, 0,59, exprimée en échelle logarithmique relative à la valeur solaire. Ce qui implique que cette galaxie lointaine a surtout connu de nombreuses explosions de supernovas de type 2, effondrement d'étoiles massives, à l'époque où elle est observée, et très peu de supernovas de type 1A. Ils en déduisent que la galaxie a vécu une intense période de formation d'étoiles qui aurait duré seulement entre 100 et 500 millions d'années avant de s'éteindre. Durant cette période, les chercheurs calculent que le taux de formation d'étoiles devait être compris entre 600 et 3000 masses solaires par an, alors qu'il n'est plus que de 0,6 par an aujourd'hui, au moment où la galaxie est observée. Pour comparaison, notre galaxie produit environ 2 étoiles par an. La nature du processus qui est à l'origine de la brutale extinction de la production d'étoiles qui a suivi est une question que se posent les spécialistes depuis près de 20 ans. L'idée la plus courante est que le trou noir supermassif au centre de la jeune galaxie produirait un effet de feedback, de réaction. Le vent de particules produit par la zone proche du trou noir disperserait le gaz interstellaire et empêcherait alors, ou réduirait fortement, la formation de nouvelles étoiles. Mais un rapport magnésium sur fer élevé n'est pas retrouvé par les modèles théoriques qui intègrent un effet de feedback du trou noir supermassif. Qui plus est, la galaxie Cosmos 114-94, étudiée par l'équipe de Mariska Creek, se trouve dans un univers âgé d'à peine 3 milliards d'années, et les trous noirs supermassifs, à cette époque, devraient être trop petits pour produire un effet de feedback suffisant pour arrêter la formation de nouvelles étoiles. Il faut voir que le rapport magnésium sur fer, élevé, trouvé par les astrophysiciens, l'est dans une galaxie à relativement haute métallicité, c'est-à-dire le rapport fer sur hydrogène. Ce rapport fer sur hydrogène dans Cosmos 114-94 est environ la moitié de celui mesuré dans le Soleil. c'est la première fois qu'est observé au même endroit des hauts rapports magnésium sur fer et un haut rapport fer sur hydrogène. Par exemple, les étoiles du halo de notre galaxie ont des grands rapports magnésium sur fer, mais un faible rapport fer sur hydrogène. Tandis que les étoiles du disque galactique, elles, ont des ratios magnésium sur fer plus faibles, mais une métallicité plus grande. Et enfin, les étoiles du bulbe galactique montrent elles aussi des ratios magnésium sur fer élevés, mais une métallicité d'un tiers de celle du Soleil. La question de la nature du processus qui est à l'œuvre pour stopper la production de nouvelles étoiles dans ce type de galaxie est donc relancée par cette observation dont les détails sont publiés cette semaine dans la revue Nature. La formation d'étoiles aurait pu être fortement favorisée durant un certain temps, puis freinée en menant à une surproduction de supernovas de type 2 et donc d'éléments alpha. Ou au contraire, ce serait le fer des supernovas 1A qui aurait pu être expulsé de la galaxie plus efficacement que ce que l'on pense habituellement. Les deux voies mèneraient à ce ratio magnésium sur fer plus élevé que la normale pour la métallicité observée. Les astrophysiciens pensent que l'évolution de ce type de galaxie a dû mener à des galaxies elliptiques géantes comme M87, la bien connue, qui a grossi probablement en absorbant d'autres galaxies plutôt qu'en produisant de nouvelles étoiles. En diminuant par là même son rapport magnésium sur fer quand ces étoiles vieillissent. Les spécialistes n'ont pas fini de chercher à comprendre comment naissent les galaxies et les futurs télescopes devraient bientôt les aider dans cette quête. L'article de Mariska Crick et ses collaborateurs s'intitule « A Massive Quiescent Population 2 Galaxy at a Redshift of 2.1 » et il est paru dans Nature, le numéro 540, daté du 8 décembre 2016. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog ou l'univers des supernovas et des galaxies jeunes se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission sur PodCloud, bien sûr, sur iTunes, bien évidemment, et sur Stitcher, c'est une évidence aussi. Et voilà, donc d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, hein, à surveiller d'éventuelles supernovas galactiques. Hein. Si vous en voyez une, n'hésitez pas à me le dire, j'en serai très friand. Et donc, restez bien les pieds sur terre. Allez, salut !